De la manière de méditer par le révérend Père Rothaan, Père Pierre Génessot, J. de Gigore, éditeur 1913. Chapitre 3e. Ce qu'il faut observer après la méditation. Examen. Récapitulation. Après la méditation, suit ordinairement, d'après les prescriptions de Saint Ignace, l'examen ou la réflexion. Cette revue est, je ne dirais pas très utile, mais absolument nécessaire, et pour apprendre l'art de bien méditer, et pour recueillir le fruit de la méditation. On passe quelquefois un temps considérable en religion, on fait tous les jours la méditation, et cependant on ignore encore l'art de méditer. D'où vient cela ? De ce que la réflexion est omise ou mal faite. Tous les jours on considère les vérités éternelles, on conçoit à leur lumière des projets d'une vie meilleure, et cependant les mêmes passions vivent toujours dans l'âme, toujours on est enclin aux mêmes vices, sujet aux mêmes défauts. Où en est la cause ? Le plus souvent dans le peu de soins que l'on apporte à la réflexion. Sachons-le bien, aucune des règles tracées par Saint Ignace, notre Père, pour assurer le succès de la méditation, n'est superflue. Tout se lie comme les anneaux d'une même chaîne, que l'un soit ôté ou brisé, elle devient inutile ou moins apte aux usages auxquels elle pouvait servir. Mais nous, enfants de la compagnie, pour qui les prescriptions de notre Père ne sont pas une simple instruction, mais en force d'obligation plus grande, bien moins pourrons-nous espérer le secours de la grâce divine dans cette science des saints, si nous manquons en ce point même à notre devoir, à un devoir que l'autorité de notre bienheureux Père, l'esprit de notre institut, une religieuse coutume, en un mot, l'obéissance elle-même nous impose. Que ce soit donc pour nous un principe, et gravons-le profondément dans nos cœurs dès les commencements de la vie religieuse, que nous ne devons jamais omettre la réflexion après la méditation. Si une circonstance imprévue nous empêche de la faire de suite, faisons-la plus tard, mais faisons-la toujours. Omettons de préférence d'autres prières ou pratiques de dévotion, que peut-être nous avons cru bon d'adopter, elles sont louables, je le veux bien, mais elles sont assurément moins nécessaires que la réflexion. Bien que Saint Ignace semble ne faire consister l'exercice de la réflexion que dans l'examen de la méditation, il paraît cependant difficile de bien faire cet examen sans y joindre une sorte de récapitulation. La réflexion renfermera donc comme deux parties, l'examen proprement dit, et la répétition ou récapitulation de la méditation. Premièrement, l'examen. La méditation terminée, on examinera comment elle réussit. Il faudra donc rechercher comment on s'est comporté, et dans la préparation, et dans la méditation elle-même. Par rapport à la préparation, ai-je lu ou entendu lire les points la veille avec attention ? Me suis-je maintenu ensuite dans le recueillement ? Ai-je repassé brièvement le sujet de la méditation après le coucher, avant de m'endormir ? Me le suis-je encore rappelé le matin ? À mon réveil, en éloignant toute autre pensée, ai-je entretenu des sentiments conformes au sujet de la méditation en me lavant les mains et le visage, en me rendant à la chapelle ou ailleurs ? Me suis-je conservé dans le repos intérieur, surtout immédiatement avant la méditation ? Supposez que je n'ai pas lu de nouveau les points, me les suis-je du moins remis dans la mémoire ? Avant de commencer, me suis-je tenu quelques instants debout, pensant à l'action que j'allais faire et à la présence de Dieu ? Telles sont à peu près les questions que l'on peut se faire sur la préparation. Par rapport à la méditation elle-même, examinons le commencement, le milieu, la fin. Premièrement, le commencement. Avec quel respect, quelle attention, quelle dévotion ai-je fait l'oraison préparatoire? Ai-je fait exactement les préludes, surtout le second, en demandant à Dieu la lumière et la grâce spéciale, selon le sujet de la méditation? Deuxièmement, le milieu de la méditation. Ai-je fait avec le soin requis l'application des puissances de l'âme, de la mémoire, en considérant attentivement le sujet de la méditation, de l'entendement, en raisonnant sur les questions indiquées, qu'y a-t-il à considérer sur ce sujet, quelle doctrine pratique, etc. Ai-je bien pesé les motifs, la nécessité, l'utilité, la convenance, etc. de la volonté, en excitant des affections dans le cours de la méditation? Ai-je pris des résolutions sérieuses pour réformer ma vie et tendre à la perfection? Après avoir pris des résolutions, ai-je demandé humblement le secours d'en haut pour les mettre à exécution? Dans tous ces actes, ai-je surmonté les distractions qui sont survenues? Du moins ai-je été fidèle à ne pas les admettre? Ai-je vaincu ou méprisé cet ennui qui, peut-être, commençait à entrer dans mon âme, et n'ai-je point, pour cela, cessé de m'appliquer autant que je le pouvais? Ai-je eu recours au premier prélude, lorsqu'il était de nature à contenir mon imagination vagabonde et à la fixer au sujet de la méditation? Ai-je, de cette manière, apporté une application sérieuse à tous les points de la méditation? Etc. Troisièmement, la fin. Ai-je fait le colloque et la demande de la grâce avec ferveur? Ai-je secoué cette torpeur qui s'empare quelquefois de l'âme, surtout vers la fin de l'oraison? Ai-je terminé la méditation avec respect? Enfin, me suis-je efforcé, depuis le commencement jusqu'à la fin, de correspondre à la grâce divine selon mes forces? L'application de l'esprit a-t-elle été sérieuse? Le maintien du corps convenable? Le respect intérieur et extérieur a-t-il été gardé? La méditation n'a-t-elle pas été interrompue ou quittée sans nécessité? Et, s'il y a une nécessité, ai-je du moins conservé le repos de l'esprit et le recueillement de l'âme? Etc. Que l'on ne s'effraie pas du nombre de ces questions, qui pourraient se multiplier encore. Pourvu que l'on connaisse la marche de la méditation, on saisira avec facilité et promptitude en quoi on a manqué, notre propre conscience nous servira de guide et d'accusateur, et, en parcourant séparément, comme nous l'avons dit, la préparation, le commencement, le milieu et la fin de la méditation, les plus légers défauts dans lesquels nous serons tombés pourront à peine nous échapper. Si la méditation a mal réussi, dit saint Ignace, notre Père, j'en rechercherai les causes avec repentir et propos de me corriger. On découvrira facilement ces causes à l'aide de l'examen précédent. Cependant, si l'on ne rencontrait dans toutes ces questions aucune cause du mauvais succès de la méditation, que l'on pense à la préparation éloignée, au recueillement intérieur pendant le jour, à l'observation de ses règles, à la pureté du cœur, au zèle pour la mortification, etc., car il est certain que Dieu punit souvent dans l'oraison des fautes commises hors de l'oraison, comme aussi il récompense souvent avec abondance, dans l'oraison, notre ferveur dans les autres actions qui regardent son service. Si l'on ne trouve aucune cause du mauvais succès de la méditation, on ne laissera pas de s'humilier, en pensant que cette cause peut être secrète, mais en s'humiliant on évitera l'anxiété, par la résignation de sa volonté à la volonté divine. Observons, du reste, les paroles de notre bienheureux Père, « J'en rechercherai les causes avec repentir et propos de me corriger. » La première fin de la réflexion est d'apprendre à méditer. Si nous faisions tous les jours ce qui nous est ici prescrit, Nous acquérions facilement cet art, avec le secours de la grâce divine. Si la méditation est bien réussie, continue Saint Ignace, j'en rendrai grâce à Dieu, et je ferai une autre fois de la même manière, c'est-à-dire que je garderai toujours dans la méditation la même méthode, et que toujours j'y apporterai la même application. Deuxièmement, la récapitulation. La récapitulation est le second point de la réflexion, et doit aller de front avec le premier, qui est l'examen. On repasse donc dans son esprit toute la suite de la méditation, on examine ce que l'on a fait dans le premier, le second et le troisième point, et, en recherchant dans cet ordre les défauts dans lesquels on est tombé, ou plutôt, tandis qu'ils se présentent comme d'eux-mêmes à notre mémoire, on se rappelle en même temps les conclusions pratiques que l'on a déduites, les motifs sur lesquels on les a appuyés, les bons mouvements qu'ils ont produits en nous, les résolutions que l'on a formées. Si l'on a reçu une lumière particulière sur quelques points, si l'on a compris une vérité avec plus de clarté que de coutume, si une vérité, une parole, un motif nous a frappé davantage, on le repassera dans son esprit, on le goûtera de nouveau, on le méditera intérieurement, et on se proposera de le repasser, de le goûter et de le méditer souvent dans la suite. On confirmera les résolutions prises dans le cours de la méditation, on en déterminera l'exécution pour un temps marqué, en prévoyant les occasions, s'il est possible. Enfin, on invoquera brièvement le secours divin pour être fidèle à ses promesses. Saint Ignace assigne un quart d'heure environ à la réflexion. Les actes indiqués n'exigent pas ordinairement un quart d'heure entier, cependant ils demandent un certain espace de temps pour être bien faits, au moins un demi-quart d'heure ou 10 minutes, assurément 2 ou 3 minutes ne suffisent pas. Ceux qui ont un véritable désir de leur perfection accorderont volontiers à cet exercice le temps convenable, l'expérience leur en a fait connaître l'utilité. La réflexion sera pour eux comme la récolte des fruits que la méditation aura produits, et qui, sans ce travail, devaient périr. Il leur arrivera même assez souvent de trouver dans la réflexion ce qu'ils auront inutilement cherché dans la méditation même, le goût de la dévotion. Ils s'étaient trouvés dans un état de sécheresse, sans éprouver aucun bon désir, sans former aucun bon propos, de leur faute ou non, et voilà que Dieu supplée abondamment à tout dans ce moment, ils prennent de bonnes résolutions. Non moins efficace que si elle s'était présentée dans le temps même de l'oraison. Mais, en tout ceci, l'expérience en apprendra bien plus que les paroles et les écrits des hommes. La bonté de Dieu est au-dessus de nos expressions et de nos idées, pour peu que nous apportions un soin sérieux à bien faire, il nous offre aussitôt ses grâces, il nous excite à nous montrer de jour en jour plus diligents. Afin de pouvoir nous combler à son tour plus libéralement de nouvelles faveurs. On peut ajouter à la réflexion un moyen, ou, si l'on veut, une industrie, dont plusieurs se servent avec beaucoup de fruits pour être fidèles à leur résolution. Ils choisissent une oraison jaculatoire conforme au sujet de leur méditation et à leur résolution, ils la répètent souvent durant le jour, et se rappellent ainsi et leur méditation et leur bon propos. Et si le fruit de la méditation est en rapport avec le sujet de l'examen particulier, comme nous l'avons conseillé en parlant des résolutions, on comprend le profit spirituel que l'on peut retirer de cette pratique. Il arrive souvent que nous violons nos résolutions, parce que les vérités à la lumière desquelles nous les avions conçues, s'obscurcissent dans notre esprit et finissent par s'évanouir. Le moyen que nous présentons ne servira pas peu à conserver cette lumière. Pourquoi les saints ont-ils été saints? Parce qu'ayant toujours présente à l'esprit la lumière des vérités éternelles, Il se sentait puissamment porté par la grâce à prendre en toutes choses ces mêmes vérités pour règle de leurs actions. Enfin, il ne faut pas négliger une pratique souvent recommandée et familière à ceux qui ont à cœur leur perfection. Cette pratique consiste à prendre par écrit quelques notes sur la méditation, afin de pouvoir les relire de temps en temps dans la suite. On remarquera qu'il faut noter les lumières et les résolutions. Si l'on n'écrit que les résolutions, sans ajouter quelques-uns des motifs qui les ont fait prendre, elles manqueront ordinairement de force pour presser leur exécution. On notera donc, surtout, les lumières, je veux dire les vérités que l'on a bien comprises, les illustrations de l'entendement, les bonnes pensées, les motifs qui ont déterminé à prendre de semblables résolutions, et lorsque dans la suite on relira, à certains temps, ces résolutions et les lumières qui les ont fait prendre, on se sentira plus efficacement excité à les observer fidèlement. Ordinairement, cependant, ces notes ne doivent pas être verbeuses, mais courtes et claires. Il ne faut pas non plus noter toutes les résolutions, mais les principales, ou celles que l'on n'a pas l'occasion d'observer chaque jour. Quant à celles qui regardent nos actions ordinaires et nos défauts habituels, c'est moins par des notes écrites que par une prompte exécution et par la pratique journalière qu'il faut les fixer dans la mémoire. Au reste, c'est surtout pendant les exercices annuels que l'on doit prendre exactement note des lumières et des résolutions, car il ne s'agit pas seulement alors de régler ses actions pour un ou deux jours, mais de se tracer une ligne de conduite pour une année entière, et, en certains points, pour la vie. Mais qu'il me suffise d'avoir touché en passant ce sujet. Conclusion. Il ne me reste plus qu'à répéter ce que j'ai dit en commençant, l'art de méditer est proprement la science des saints, et dépend bien moins des enseignements de l'homme, que, de l'onction du Saint-Esprit et des désirs d'une volonté ferme. En vain posséderiez-vous parfaitement toutes les règles que nous venons d'exposer, cette connaissance demeurera stérile si elle n'est animée d'un véritable désir de votre avancement spirituel, cette vérité éclaire par elle-même. Je dis plus, le désir de votre avancement et l'observation exacte de cette méthode seront encore sans effet, si la grâce de l'Esprit Saint ne survient pour les rendre efficaces. Car la méditation n'est point une œuvre humaine, mais divine. Cependant ne doutons nullement que la bonté et la miséricorde infinie de Dieu ne secondent les efforts des hommes, de bonne volonté, puisque cette bonne volonté d'avancer dans l'esprit est elle-même un grand don de Dieu. Employons donc tous les moyens que nous fournira notre propre industrie avec le secours de la grâce, et disons souvent au Seigneur, « Mon Dieu, enseignez-moi à prier, Luc 2, 1, enseignez-moi à méditer, accordez-moi le don de prière. Tous les biens nous viendront avec lui, et il nous apportera des richesses innombrables, car ce don est un trésor infini pour les hommes, et ceux qui y ont puisé sont devenus les amis de Dieu, recommandables par les dons de la science. » Sagesse 7, 11 à 14. Markandanarchive.org, 2020, d'après Archive.org Université de Toronto, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.